Comment assumer ta féminité? Afin d'affirmer qui tu es, il est important de vénérer ton corps de femme. Tu es née avec la capacité d'enfanter, d'apaiser, de rassurer. C'est pourquoi il est essentiel de prendre conscience de ce don de la nature. Prends soin de toi, ainsi cette merveilleuse machine te le rendra au centuple. Sois fière de tes formes harmonieuses et surtout n'aie plus peur de porter des vêtements qui te mettent en valeur. Je te vois venir. Pas la peine de sortir ta calculette. Il n'y a pas besoin de dépenser une fortune pour cela. Il suffit juste de renouveler ta garde-robe en prenant en compte les couleurs qui te vont le mieux au lieu de continuer à porter des vêtements ternes pour ne pas faire de vagues. L'idée, c'est d'assumer ce changement et de te sentir bien. Au cas où le doute subsiste, je te rappelle que tu as le droit d'être désirable au quotidien. Par ailleurs, je t'interdis de douter de toi. Il ne faut pas non plus avoir peur de ton pouvoir de séduction. Il te faut apprendre à être à l'aise avec l'effet que tu produis sur les hommes, même si certains sont spécialement lourds dans leur approche. S'ils dépassent les bornes, sache que c'est eux le problème et certainement pas toi. Tu n'es en aucun cas responsable si un mec ne peut pas se maîtriser et il serait vraiment dommage de cacher ta féminité de peur d'être harcelé par un idiot. De même, ne mets plus ton intelligence en veille, sous prétexte que les hommes de ton entourage ont un QI de poisson rouge. Il n'est pas interdit d'être à la fois belle et intelligente. Vive le girl power. On a toutes connu la difficile période de l'adolescence où l'esprit n'a pas forcément été en phase avec le changement de silhouette. Néanmoins, ce n'est pas une raison d'être mal à l'aise durant toute ta vie. Plus vite tu accepteras ton corps de femme, mieux tu te porteras. Afin de mieux t'approprier ton enveloppe corporelle, ne lésine pas sur les séances de coiffure esthétique thalasso massage. Car tu le vaux bien. Fini le temps où pour être une femme respectable, il fallait ressembler à une porte de prison. Tu n'es pas obligée d'être solidaire de tes ancêtres. Bobonne est bien morte. L'égalité frappe à ta porte. Saisis cette chance, sois femme et sois-en fière. Apprends à décrypter dans quelles nombreuses circonstances le sexe t'aidera à te sentir mieux. Ainsi, tu pourras donner à ton corps ce qu'il te réclame. La sexualité doit avoir une place importante dans ta vie, car la jouissance féminine n'a pas de limite. Il faut juste oser l'explorer. N'aie pas honte de ta façon singulière d'exprimer le plaisir et ne cherche pas à interpréter les réactions de ton partenaire sexuel au moment où tu pleures, hurles ou que tu inondes les draps. Pour info, son air ahuri est généralement lié à la surprise d'avoir réussi la prouesse de te donner autant de plaisir. Ce qui le rend très fier. En finalité, quand tu te lâches, chacun y trouve son compte, ce qui mène à l'épanouissement sexuel. Alors si tu veux une vie meilleure, c'est le moment d'assumer tout ce qui fait de toi une femme exceptionnelle. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.